parce que tu sais, on est à une époque là où ce que tu sais, le Québec c'est tolérant, blablabla, c'est tout drôle. Oui, mais oui, vous avez certainement entendu parler d'Éric Zemmour en France qui a sorti un livre, c'est ça. C'est lui là pour qui Anne Dorval c'était comme pâmé. Bon, exactement. Éric Zemmour là, c'est un genre de Richard Martineau, si tu veux. Tu sais, c'est un polémiste puis qui donne ses théories, etc. Puis évidemment, c'est des théories qui paraissent mal. Il vient de sortir un livre. Écoute, tout le monde en France parle de ça. Tous les journaux partout, c'est malade. Pourquoi? Parce qu'il va à contre-courant de ce qui paraît bien, puis qui est dans les médias. Puis lui, il soutient que son titre s'appelle « Le suicide français ». Et lui, il soutient que dans les 40 dernières années, ce que tue la France, c'est la tolérance. Je te dis pas qu'il a raison. Je te dis juste, on peut-tu le laisser parler? Arrêtez de bloquer tout le monde qui dit que, ben, c'est parce que moi, je suis pas d'accord avec toi, ça paraît mal. Ben, ça paraît peut-être mal, mais si ça fait 40 ans que ton paraît bien, il finit par me causer du tort à moi, qui, moi, dans la vie, j'en cause pas de tort. Fait que je trouve ça très intéressant de voir qu'à un moment donné, là, on dirait qu'on est en train de sortir de la période où est-ce que ton idée qui a l'air de droite est nécessairement une mauvaise idée. Apparaît juste plus mal, ta mauvaise idée. Puis moi, la tolérance, là. Attends, en passant, la tolérance, c'est une qualité, mais ça peut pas être ta valeur suprême. Parce que, écoutez-moi bien, moi, je suis tolérant dans la vie. Ah, c'est ça. Ouais, ma principale valeur, c'est tolérant. À tout. Mais si t'es tolérant à tout, t'es automatiquement, ça veut dire que t'es tolérant envers du mal, envers... Ben oui, exactement. La tolérance ne peut pas être une valeur absolue. Ben non. Voyons donc, tu peux être tolérant envers des affaires qui fait pas trop ton affaire, mais quand ça vient jouer dans tes valeurs fondamentales, tu peux pas être tolérant à ça. On peut pas être tolérant pour l'intolérance. Tiens, moi le oui, dire demain. Oui, voilà. C'est aussi simple que ça. Exactement. C'est que Zemmour, lui, il sort son livre, puis là, ça crée, mon gars, des blablabla. Mais dans la vraie vie, lui, il soutient que l'immigration, là, ça a causé du tort à la France. Puis sais-tu quoi? Dans le temps, là, te rappelles-tu en 2007, à peu près, quand les autos brûlaient autour de Paris, là? Oui. Ben, j'étais là, moi. Puis dans les papiers les plus intéressants qui s'écrivaient, là, c'était du monde qui disait, regardez, là, vraiment, c'est des révoltes des banlieues. Les banlieues, c'est beaucoup des Arabes. Puis le problème, c'est pas que c'est des Arabes. C'est qu'ils sont venus sur une fausse promesse. Si le maire de Drummondville disait à tout le monde à Saint-Rédempteur, venez chez nous, vendez vos maisons, j'ai de la job dans les usines épouvantables, les maisons vont tripler, tout le monde déménage, tout le monde arrive là, puis c'est pas vrai. Quand bien même que c'est du monde de Saint-Rédempteur, des blancs chrétiens, la promesse est pas vraie. Ça fait qu'eux autres, ils ont ouvert l'immigration à mort au Maroc puis en Algérie. Le monde arrive, ils sont coincés puis il se passe rien de ce que la France a dit, venez chez nous, venez chez nous. C'est une des théories qui est intéressante. Et zéro raciste, ça aurait pu être avec des Chinois. Pis ça aurait causé la même affaire, tu comprends? Oui, entièrement bon. D'accord. Bon, Marc, ben merci ça. Beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Hey, on se revoit la prochaine fois. On se revoit à 9h et...